الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فسنتحدث في ما يسمى العرش فهناك أدلة من الكتاب والسنة وكلام الأئمة بأن الله عز وجل فوق العرش فوق المخلوقات مباين لها ليس بداخل في شيء منها وعلى أن علمه في كل مكان. Donc il y a des preuves dans le Coran, la Sunna, ainsi que les imams de l'islam, pour dire qu'Allah Azza wa Jalla est au-dessus du trône et qu'il est au-dessus de ses créatures et qui donc n'est pas donc avec ses créatures, donc il y a une séparation entre Allah Azza wa Jalla et ses créatures, et que sa science est partout. Cela est prouvé dans le Coran et la Sunna, ainsi que les paroles des compagnons, bien sûr, les tabi'ines et tous les imams. فسنرى بعض الأدلة من كتاب الله عز وجل. يقول تعالى الرحمن على العرش استوى, ويقول تعالى ثم استوى على العرش, وهذا في ستة مواضع, هذا في ستة مواضع تجده في الأعراف, في سورة الأعراف الآية 54, سورة يونس الآية 3, سورة الرعد الآية 2, سورة الفرقان الآية 95, سورة السجدة الآية 4, وسورة الحديث الآية 4 كذلك. Donc Allah Azza wa Jalla dit, le miséricordieux est établi sur son trône. Et dans un autre verset, puis il s'est établi sur son trône. Et ce puis il est établi sur son trône, on le retrouve dans 6 endroits dans le Coran. Donc j'ai cité, donc soit Al-A'raf, verset 54, soit Yunus, verset 3, soit Al-Ra'd, verset 2, Al-Furqan, verset 59, Al-Sajda, verset 4, Al-Hadith, verset 4. Qala l'imam al-Bukhari fi sahihi, qala Mujahid, istawa ala al-Arsh, ala al-Arsh. Donc l'imam al-Bukhari dit dans son sahih que Mujahid, rahmatullah, wa tabi'i, rahmatullah alayhi, tabi'i rahmatullah alayhi, min yani a'imat al-tafsir. Donc il dit al-mujahid rahmatullah istawa bima'na ala al-arsh, donc il est surélevé sur son trône, donc il est surélevé sur son trône, ala, au-dessus du trône. Wa qala Ishaq ibn Rawah Rahawi sami'tu Bishr ibn Omar qal yani aw Bashr ibn Bishr ibn Omar qal yani sami'tu غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى أي ارتفع. Donc Ishaq ibn Rahawi رحمه الله, un des grands imams qui est mort, donc Ishaq ibn Rahawi rahmatullah alayhi, qui est mort donc l'an 238, et on retrouve dans Tarikh Baghdad, justement on retrouve donc des paroles de l'imam al-Baghdadi sur lui. Comme quoi, donc c'est un grand savant, ma'rouf, dans le hadith, dans le fiqh et l'akhiri. Et lui rapporte de Bashr ibn Omar, qui est lui-même aussi donc quelqu'un qui était donc thiqa, et qui est mort donc dans le début des années 200. Et donc il dit, j'ai entendu plus d'une personne parmi nous fassirines, parmi ceux qui ont expliqué le Coran, que Ar-Rahman al-Arsh istawa veut dire irtafa, comme quoi il est au-dessus du trône. Il est au-dessus du trône. Taban, si on devait faire en vérité donc ici une parenthèse, ou bien ça aurait été, mais tu sais, c'était le muqaddima, c'est d'expliquer pourquoi. Donc les ulama, ils ont écrit des livres par rapport à ça. Pourquoi juste par rapport à ce verset-là? Le fait que les gens se sont divisés en mutakallimin, hein, ou al-falasifa, ahlul kalam ou al-falasifa. Ils se sont divisés en deux, les gens. Entre les gens de la parole et el-falasifa. les philosophes, ceux qui ont commencé à traduire les livres grecs, ils sont entrés dedans et ont commencé à expliquer l'islam à leur façon. Ça, c'est le philosophe. Et le kalam, donc les gens de la parole, la rhétorique, donc eux aussi, ils ont expliqué avec leur raisonnement ou autre. Et le kalam, donc ça commence par le Jahmiya, jusque l'Ash'ari. Donc ce sont le Jahmiya, le Mu'tazila, l'Ash'ari, le Maturidiya. Ce sont eux. Et eux, on sait comment ils ont divisé les choses par rapport au Ta'til, par rapport au Tekif, au Tejbih et au Temthil. Et les autres, c'est plus par rapport au Tekhil et Tejhil. Donc ils sont entrés dans Tafwid al-Akhili, c'est-à-dire le Falasifa, les autres, le Falasifa. Le Falasifa, ils disent qu'un envoyé, par exemple, c'est quelqu'un très intelligent. Il a trois qualités. Parmi les qualités, c'est qu'il peut s'imaginer des images. Même s'il voit le mec qui n'a pas vu l'ange, en réalité, c'est une image qu'il s'imagine. Il est intelligent, donc c'est pour ça qu'il va faire les lois rapidement, par exemple. Et il a Akhili, donc ils ont ça. Et ils ont aussi donc, le Tekhil, ils ont Tejhil Kadelk. Donc en vérité, il rentre dans le fait que. Dans le Falasifa, c'est-à-dire qu'en vérité, ils disent que le Coran, c'est Allah Azza wa Jalla, donc parmi eux, les Batiniya, Rafida, par exemple, Ismaïliya al-Akhili, donc les sept qui disent que eux, ces gens-là, disent que ce que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, c'est pas ce que ça veut dire. C'est une partie cachée. Donc à partir du moment qu'ils changent, donc automatiquement, la première chose qu'ils ont changé, c'est les noms et attributs d'Allah Azza wa Jalla. Chez certains, le Hajj, c'est pas le Hajj. C'est Tawaf ala Kubur. Hajj, c'est Ziyarat al-Mu'in, l'Awliya. Visiter l'Awliya. La Siyam, chez eux, par exemple, c'est pas le jeûne connu. C'est Kitman, l'Asrar. Cacher les secrets. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est secret. Parce que l'Awam al-Nas, les gens, ce sont comme des animaux. Et c'est eux qui vont comprendre que la salat, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Que le jeûne, c'est de ne pas manger pendant le mois du Ramadan. Que le Hajj, c'est d'aller à Mecca. Eux, ils disent ça, c'est pour les Masakim. C'est pour ceux qui ne sont pas intelligents. Mais dedans, il y a des gens très intelligents, il y a des Khawas, il y a des élus d'Allah Azzajal, et eux, ils comprennent qu'Allah n'a pas voulu dire ça, il a voulu dire autre chose. Bimana, Vahir, Annos, Laisa Bihi, Yani, Rual, Yani, le morceau de Bihi. C'est-à-dire que l'origine du texte, c'est pas ça qu'Allah a voulu dire. Donc automatiquement, il nous ramène dans des délires. Donc ça, c'est l'origine. Donc après, les ulama, bien sûr, ils ont eu besoin de défendre l'islam, d'expliquer pour eux qu'il y a eu des livres qui ne parlent que des fois d'un seul sujet. Donc c'est pour comprendre. Parce que les gens pourraient dire pourquoi on va parler d'un tome ou deux tomes ou je ne sais pas de quoi, que sur un seul sujet. Comment ça se fait qu'on va parler que de ça? C'est parce qu'il fallait voir pourquoi. Il fallait voir qu'à ces époques-là, donc justement, il y a eu énormément de gens qui commençaient à dire n'importe quoi par rapport à ce sujet. Les musulmans se divisent, ils se divisent par rapport à ça, et c'est des paroles de kufr. C'est pas Jahez qui parle. Donc ce sont des paroles qui sont de mécréance. Donc il faut bien sûr obligatoirement défendre les saints par rapport à ça. Et l'imam al-Mujahid, Ibn Jarir al-Tabari, rahmallah, imam al-Mufassirin, donc l'imam des Mufassirin, et bien sûr le Mufassirin, tous ils reviennent à lui, rahmatullah alayhi. Donc il dit, ثم استوى على العرش, أي على وارتفع. Donc là on a vu tout à l'heure, على, et là on a vu, donc Mujahid dit على. Donc on a vu plusieurs Mufassirin, ils ont dit ارتفع, et lui il rejoint les deux. C'est pareil à Kulahal. Ça revient à la même chose, comme quoi quand il a été ارتفع, donc il est au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala. Et Abu Ubaida, il dit Saad. Donc Abu Ubaida, rahmatullah alayhi, lui aussi, donc il est né l'an, donc il est mort plutôt en l'an donc 209. Et c'est aussi donc un grand alim fil-lura. Donc hatta ulama al-lura, donc ils ont bien compris ce que ça voulait dire. Là, par rapport à certains ulama, parce que ceux qui ont essayé de changer, c'est ceux qui ont essayé de trouver des explications fil-lura. Ils n'ont pas trouvé de dalil par rapport au Coran, la Sunna qui les intéressait, ils ont essayé de changer le mot par rapport à la langue. Mais alhamdoulilah, hatta les ulama de la langue, ils l'ont compris. Il y a toujours dans la langue arabe, si des fois elle peut vouloir dire autre chose, nous on prend toujours le sens qui est le plus connu des gens. On va pas vous chercher après une kinaya. Eux ils prennent des fois après, ça voudrait dire autre chose, alors ils prennent ces choses là. Regardez, on a une preuve, ils disent, c'est pas une preuve, parce que ça peut vouloir dire autre chose. Mais c'est pas ça, mais c'est pas le sens qui est le plus souvent utilisé chez les gens. Vous comprenez? C'est un sens qui peut être utilisé de temps en temps. Alors ils prennent celui qui est utilisé de temps en temps et ils font croire que c'est ça l'origine. C'est pas l'origine. Et c'est pas comme ça qu'est venu le Coran. Après, le Coran n'est pas venu avec des paroles où il faut chercher pour comprendre. C'est pas vrai. Sinon, ça serait une religion difficile. Alors qu'Allah Azza wa Jalla, justement, yassa, yana al-dhikr. Et même al-Baqawi, rahmallah, donc c'est lui qui rapporte cela dans son tafsir. وكذلك قال الفراء ثم استوى أي سعد قاله ابن عباس وهو كقولك الرجل كان قاعدا ثم استوى قائما Donc Ibn Abbas, il explique. Il dit, c'est exactement comme tu comprends lorsque un homme était debout et puis qu'il donc il viendrait s'installer, s'établir en s'installant. Stawa qa'iman. Allah Azza wa Jalla est établi sur son trône. Il montre que donc c'est exactement comme tu le connais. Mais simplement le comment Allah a'lam. La peine c'est bel fi'al, c'est bien l'acte. Mais le comment, c'est le comment qu'on ne connaît pas. Mais le verbe, on le connaît. Hein, le verbe, on l'utilise comme il est venu, on garde son vrai sens et on le connaît. Mais c'est simplement le comment qu'on ne connaît pas. Donc, et ça c'est aussi une parole qui était rapportée par l'imam al-Bayhaqi, fi sifat. Et l'imam Rawa al-Darqutni, an Ishaq, قال يعني سمعت أبا العباس فعلى بن يقول في استوى على العرش يعني على واستوى الوجه اتصل استوى القمر يعني امتلأ استوى زيد وعمر يعني تشابه استوى إلى الماء يعني أقبل وهذا الذي نعرف من كلام العرب. Donc il explique qu'est-ce que c'est que par rapport au كلام العرب. Donc il dit bien que c'est على. Donc il dit par rapport au استوى على العرش ça veut dire ça. Et si l'arabe quand il dit استوى comme ici par exemple il dit donc Istawa, le waj, un mafan, et tassal. C'est-à-dire qu'en réalité, donc, son visage, il a touché un autre visage. Donc, il est en communication avec quelque chose d'autre plutôt. Il est en communication, donc il y a un lien. Si on parle du visage, istawa, le waj, donc chez les Arabes, ils savent ce que ça veut dire. Et ils parlent aussi par rapport al kamar. C'est istawa al kamar, on sait ce que ça veut dire. Limite al-Arab, il est complet. C'est la pleine lune. Et maintenant, voilà ce qu'on connaît des Arabes. Donc, on a compris que istawa al-arsh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Allah. C'est ça qu'il a voulu dire, pardon. Là, mais il donne des explications en arabe. Imtala'a, il est complet. Istawa, yani Zayd wa Amr, tashabaha. Zayd et Amr, donc ils sont en vérité égaux, ils se ressemblent. Istawa ilalma, akbala. Istawa ilalma, c'est-à-dire qu'en vérité, donc il va donc, vers l'eau. Voilà ce qu'on connaît des arabes. Comme le dit, donc, Arhamahullah, yani, ce que les ulama qui ont dit sur parallèle. Kazaïka Daoud ibn Ali, yani kana, kunna, anda ibn al-Arabi, al-Arab, yani afunam. نعم الأعرابي هو الأعرابي يعني فأتاه رجل فقال ما معنى قوله يعني على العرش استوى قال هو على عرشه كما أخبر فقال يا أبا عبد الله إنما معناه استولى فقال أسكت لا يقال استولى على شيء حتى يكون له مضاد إذا غلب أحدهما قيل استولى لأن الناس قالوا استولى أرادوا يعني أن ينفوا ويبعدوا يعني المعنى الصحيح فقالوا استولى. Donc ici on va voir Ibn al-Arabi, rahimahullah. Donc pour justement elle aussi donc c'était parmi les grands ulama de Filoura. Et un homme est venu le voir, lui a dit qu'est-ce que veut dire al-arsh istawa. Donc il a dit bien comme quoi il est bien sur son trône comme il a dit Allah Azza wa Jalla. On garde le sens connu normal. Il dit oh Abu Abdullah, mais certes, son sens, ça veut dire istawla. Istawla, ça veut dire en vérité quand tu prends quelque chose de force. Tu as pris quelque chose de force, par la force. Il lui dit tais-toi. On ne dit pas istawla à lâcher dans la langue arabe, hein, que si il y a quelqu'un, un contraire, un ennemi par exemple, ou quelque chose qu'il faut en vérité remplacer. Tu retires quelqu'un pour que tu prends sa place. Ça ne s'est pas passé comme ça, alors, il a pris la place de personne. Donc ils ont voulu dire comme c'est notre. En plus, hatta, ça ne veut rien dire à partir du moment qu'ils aient dit istawla. Et eux, ils prennent par rapport à une poésie par rapport à l'Irak. Je veux dire, leur délit à eux. Les alikas aussi, donc, l'arabe toujours, donc, il dit, Sahbullah Yaqulani, Aradani Ibn Abi Du'ad. Ibn Abi Du'ad, c'est celui qui a fait la misère à l'imam Ahmed, Ahmadullah Ali, dans le problème de Khalq al-Qur'an. Donc, c'était lui le grand da'i, non seulement da'i plus militaire. Hein, donc, qui propageait le fait que la parole d'Allah Azza wa Jalla elle est créée. An atluba lahu yani fi ba'd al-lughat al-arab wa ma'aniha ar-rahman al-arsh istawa bima'na istawla. Il a dit cherche-moi, il faut que tu te débrouilles, si on peut dire ça comme ça, pour que tu me trouves en réalité une preuve comme quoi istawa ça veut dire istawla. Ils ont besoin de fouiller. Li'annahum limada li'annahum ya'taqidun thumma yastadillun. Wa hada khata. Awwalan anta tastadi bil kitab as-sunnah thumma ba'da dhalika tabni l'i'tiqad. Hein? Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une conviction sur quelque chose et après ils recherchent après la preuve pour dire ah, c'est bon, il y a quelque chose qui est d'accord avec nous. Alors que ce n'est pas ça l'islam. L'islam, regarde les textes, c'est les textes qui nous permettent d'avoir un dogme. On place pas le dogme avant de connaître les textes. Eux, ils ont fait donc, en vérité, donc, la charrue, comme on dit, avant les bœufs. Vous comprenez? Et ça, c'est impossible. C'est pas possible. Alors, c'est-à-dire que tu as décidé que c'est ça, tu cherches après une preuve qui va te faire plaisir, ou qui va ressembler à ça, ou après tu vas le concocter à ta façon. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, il a dit ça. فقلت والله ما يكون هذا إلا يعني ولا أصبته. Il dit والله يعني ما يكون هذا يعني ما يكون هذا ولا يعني أصبته. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire ça et je n'ai jamais trouvé ça. Il dit والله ça ne veut pas dire ça et jamais en vérité, quoi qu'il fasse comme recherche, il ne pourra jamais arriver en réalité, donc ce résultat. Vous voyez comment qu'ils sont à Kulhel, les gens de la Bid'a, pour justement éloigner les gens. Donc, Hatton retrouve aussi donc, ce que a dit l'imam Bukhari dans son Sahih, Istawa yani as-sama'a ay irtafa. Donc, on pourrait encore à Kuhel donner énormément de porte-parole. Donc, Ibn Abbas et la majorité de Moufassirine, ils ont bien dit donc, Irtafa'a ila sama. Irtafa'a ila sama. Donc, il montre aussi ici. Après, il montre. Et que donc, Abu Omar, Ibn Abdelbar, il y a fait Sharh Mu'atta. Donc, le Sharh de Mu'atta qui a été fait par Ibn Abdelbar. Donc, c'est le Sharh le plus connu. Le meilleur Sharh par rapport au Mu'atta. Donc, le plus connu. Rahmatullah Ali. Ibn Abdelbar, donc juste pour voir ici, on voit donc qu'il est mort, Rahmatullah Ali, donc en 463 de l'Hégire. Et il est né donc à 368, Rahmatullah. Et c'était donc un grand imam, fait le hadith, ou l'afar. Et c'était bien sûr, donc, comme il disait Abu Omar, il dit Ahfal, Ahl al-Maghrib. Parce que c'était quelqu'un du Maghreb. Donc c'est en réalité, donc, comme ils disent, donc Shérif Issam, hein, un grand savant du Maghreb. Il dit Ahfal, Ahl al-Maghrib. C'est pour ça qu'il y a Ajmar, il y a donc le fiqh. Ou bien il a fait le charh de Mu'atta l'imam Malik, justement, pour les Malikites. Waqala ta'ala, ilayhi yas'adu al-kalim al-tayyib. Pour faire comprendre aux gens, quand il est au-dessus, ilayhi yas'adu. Yas'adu, ça veut dire quoi? Yadhabu, il a huwa al-a'la, il a ma huwa al-a'la. Il va où, yas'adu? Il monte. Su'ud, ma ma'na su'ud. Hein? Yani, dhihab, yani, min tahti l'al-fuq. Masad, ma huwa masad. L'ascenseur, c'est le masad, parce qu'il monte. Mais enfin, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est un élévateur. C'est un élévateur. Kedalika, inni mutawafika, wa rafi'uka ilayya. Allah a dit. Donc, c'est, je te prends donc, la vie, et je te lève vers moi. Wa rafi'uka ilayya. Encore une fois, donc quelque chose qui prouve toujours qu'Allah est au-dessus. Bel rafa'ahu Allah ilayhi. Certes, Allah l'a élevé auprès de lui. Ilayhi. Ilayhi, c'est une preuve que c'est vers lui. Parce que si Allah était Fikuli Makan, il n'y aurait pas besoin de dire Ilayhi. Ça prouve un Tarsi, ça prouve un Makan Mu'ayyin, ça prouve un endroit bien précis. Hein? Sinon, il n'y aurait pas eu besoin de ça. Yakhafuna Rabbahum min fawqihim. Donc, ils montrent tous les versets qui montrent qu'Allah est en haut. Ils ont peur de leur Seigneur qui est au-dessus d'eux. Min fawqihim. Il faut. Aina al-fawqiya. Aina al-fawqiya. Donc, c'est quoi en vérité le fawqiya, ce qui est au-dessus, ça là. Donc, يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. Donc Allah Azzal, donc, décide des choses à partir donc des cieux vers la terre. Allah Azzal, donc il a sama, donc c'est quoi min sama, à partir de la terre vers les cieux. ثم يعرج إليه. Et après ça remonte vers lui, ce qu'on fait comme nos actes. Donc revient Allah Azzal. أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض. La même chose ici. Amintun Manfis Sama. Donc celui justement qui est donc dans les cieux. Zil Ma'arij. Ta'arujul Mala'ikat wa ruhu ilayhi. Zil Ma'arij. Donc celui en vérité qui, par rapport aux ascensions, celui hein, donc vers qui revient les ascensions. C'est-à-dire lorsque les anges remontent, hein, les anges et Jibril remontent, ils remontent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta Fir'un le savait. Wa qara Fir'auna ya Haman. Ibni li sarkhan ali ablur al-asbab. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. Donc Pharaon il demande à Haman, parce que Haman c'est quoi? C'est le grand constructeur de l'époque, c'est lui qui construit, donc ça aurait été un grand entrepreneur par rapport au bâtiment en Égypte. Donc il dit construis-moi en vérité donc une tour afin que j'arrive aux causes, donc les causes des cieux, afin que j'arrive en vérité là où je dois arriver aux cieux, et que je regarde pour que j'arrive en vérité à quoi? Au Seigneur de Moussa, hein, au Dieu de Moussa, et je le considère comme un menteur. Parce que c'est une preuve que Moussa est en train de lui dire qu'Allah il le fait ça. Ça c'est une preuve, même s'il considère que Moussa c'est un kadhdhab, mais il reconnaît qu'encore au moins, il reconnaît que Moussa, c'est lui nous montre lui-même que il témoigne que Moussa déjà c'est quoi? Hein, quelqu'un qui a dit qu'Allah il le fait ça. Qu'ici, on a par rapport à ça, donc on va retrouver hein, donc, encore d'autres exemples. Il y a donc, entre encore d'autres exemples. Et je vais les donner. Donc ici, il y a par exemple donc ذكرها مجرلاً عن الآدم بمعنى هو قاهر فوق عباده. Donc il est en vérité donc ici donc Allah des fois montre qu'il est en, dans les cieux donc de façon absolue. Donc il n'y a pas besoin d'expliquer ce qu'il y a, ce qui vient après. Donc lorsqu'il dit القاهر فوق عباده, donc c'est lui en vérité qui a la suprématie sur tout, quoi qu'il قاهر dans le sens c'est lui qui a la suprématie et il est au-dessus de ses serviteurs. Il y a aussi تصريح بالفوقية, comme quoi l'Azal qui montre bien certainement qu'il est au-dessus. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. Aussi بِالْعُرُوجِ, donc on l'a vu. تَصَرِحْ بِالسُعُودِ, السُعُودِ, donc on l'a vu aussi, le fait de descendre. تَصَرِحْ بِرَفْحِهِ بَعْدَ الْمَخْلُوقَاتِ بَلْ رَفَعَ اللَّهِ إِلَيْهِ, donc il montre. Aussi تَصَرِحْ بِالْعُلُو الْمُطْلَقِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, comme quoi il doit être l'Azal qui est le plus haut. Et ça c'est mutlaq, c'est-à-dire que ce soit par sa grandeur, que ce soit par aussi donc son essence et l'akhili, par lui-même. Donc تصريح بتنزيل الكتاب منه, تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم, تنزيل الكتاب نزول يكون من فوق إلى تحت, donc il y a une descente, تنزيل الكتاب, Allah descend le livre, donc c'est une preuve qu'Allah est au-dessus. تصريح باختصاص بعض المخلوقات بأن عنده فالذين عند ربك, par rapport aux malaïka, لا يستكبرون عن عبادته, ça aussi c'est une preuve, عند فالذين عند, ceux qui sont auprès d'eux. Il y a une arabia, il n'y a personne qui peut se sauver par rapport à ça. On sait bien ce que ça veut dire, c'est ceux qui sont après à côté de lui. Donc si alors c'était Fikulimaken, il n'y aurait pas besoin de dire Enda. Il n'y aurait plus besoin de dire ceux qui sont prêts parce que tout le monde serait là, donc il y aurait même le kafir. Alors qu'Allah dit La yastakibun an ibadati ou la yastahsirun. Comme quoi non seulement ils ne sont pas enorgueillis par rapport à son adoration, et en plus ils ne se lassent pas. Hatta il y a des musulmans qui se lassent de l'adoration, dans le sens ils ne sont pas forts dans l'adoration. Donc ça serait du mensonge par rapport à ce qu'on connaît, parce qu'il y a des koufars qui n'adorent pas, et il y a des musulmans qui n'adorent pas comme il le faut, il y aurait un problème ici. Donc Allah aurait acquis toute la terre, tout le monde. Est-ce que c'est possible? C'est impossible. D'accord que c'est impossible. C'est pas possible. Donc déjà, voyez un petit peu. Donc celui qui connaît en vérité les textes et connaît bien même la langue arabe, normalement il devrait déjà réfléchir par rapport à cela. Donc aussi تصريح بأنه سبحانه في السماء أأمنتم من في السماء تصريح بالاستواء مقرونا بآدات على donc على العرش استوى على par exemple donc ثم إن ربكم الله الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى على العرش donc إخباره سبحانه عن فرعون كذلك donc ce qu'il a dit par rapport à Pharaon. Donc ici il y a 11 c'est-à-dire en vérité expressions différentes qui prouvent cela, qui prouvent en réalité cela. Et là, on va bien sûr par rapport à la hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a énormément qui prouvent cela. Et parmi les hadiths les plus connus, donc c'est Al-Jariya. Hadith Al-Jariya, donc l'esclave, la servante. Donc il dit, Muawiya ibn al-Hakam, al-Sulami, rahmallah, radiallahu anhu. Donc il dit ici, donc bien sûr c'est Muawiya ibn al-Hakam, al-Sulami, radiallahu anhu, donc c'est un compagnon. Donc il dit كانت لي غنم بين أحد والجوانية. Donc c'est en vérité donc la Médine. Hein? Donc il y avait en vérité donc c'est du côté du nord donc de Médine. D'accord, pour aller vers Chem. Uhud, tout ce qui est après Uhud c'est pour aller vers Chem. Donc c'est comme ça, c'est le nord. C'est pour ça que Majd Nabawi, ceux qui connaissent le Haram, allez dire ذهبوا للحج المكان خلف لبزبة القبلة هناك والخلف إنه donc le jihad shamaliya c'est le nord, donc l'Uhud il est justement exactement en face, ça on va tout droit, on arrive à Uhud. Une grande rue Sharik Malik Fahd, à la fin de la rue tu arrives à quoi, à Uhud. Ça c'était la route pour que les gens ils partent fichem. Donc lui il dit j'avais donc des ghanem là-bas, fa'ataytu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa'zakartu dhalika lahu فعدم ذلك عليا فقلت يا رسول الله افلا اعتقها لو جي عفوا جي باسي لين فيها جاريه لي فاطلعتها ذات يوم فاذا الذئب قد ذهب منها بشات فقصصتها. Donc il dit donc qu'il avait donc des moutons et la khalihi donc dans un endroit du nord de Médine, et il avait donc une servante Et donc il va demander à elle de s'occuper après de cela. Et bien sûr, donc le loup a mangé donc une brebis parmi tous ces moutons-là. Et donc il a frappé, il a corrigé. Et il est parti voir le prophète, certains lui ont raconté cela. Et après cela, il lui a fait mal. Donc ça lui a fait mal, ça l'a embêté, ça l'a démangé, cette histoire-là. Fakult, j'ai dit, oh, envoyé d'Allah, afala atiqaha. N'est-ce pas que je vais la libérer? Est-ce que je devrais plutôt la libérer? Du fait qu'il s'est dit, c'est la seule chose que je puisse faire de mieux, c'est de la libérer parce que justement, je lui ai causé du tort. Kala ud'uha, dit, appelle-la, apporte-la. Fada'autuha faqala laha, aina Allah. Regardez à la question du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il demande où est Allah subhanahu wa ta'ala. Faqalat fi sama. Faqala man ana? Qala rasulullah. Qala atiqa fa innaha mu'mina. Bas bi hada. Wa hada muhim jiddan, muhim jiddan. Donc il lui a posé la question. Où est Allah? Allah il est dans les cieux. Qui suis-je? Tu es l'envoyé d'Allah. Libère-la. Car elle est croyante. Vous voyez un petit peu, c'est probablement l'importance de cela. Et les ulama, ils font des explications, bien sûr, par rapport à cela. Donc, on retrouve dans Akul Hel, donc il y a plusieurs versions hein, par rapport à ça. Les Aïka, yani Abi Razin al-Uqayli, Kultu ya Rasulallah, Aina kana Rabbuna qabl, an yakhluqa as-samaa' wal ard. Qala kana fi 'amma ma faqahu hawa. وما تحته هوى ثم خلق العرش ثم استوى عليه وفي الأرض الآخر ثم كان على العرش ارتفع على عرشه. Donc ici, donc lorsque donc par rapport à Abu Razin al-Uqayli, donc il dit j'ai dû envoyer d'Allah. Où était donc Allah avant qu'il crée les cieux et la terre? Donc il est dit kana fi ama wal ama sahab al abyad. Donc il était au-dessus d'un nuage blanc. Kama yuqal hana al sahab al abyad. Qila fasalahu al asma'i anzu kitab al azama li abi al shaykh wal arsh li ibn abi shayba. Non. Donc ici, donc il dit qu'il était donc au-dessus d'un nuage blanc. Il n'y avait pas de vent au-dessus et il n'y avait pas de vent en dessous. Donc pas au-dessus du vent et ni en dessous. Puis après il a créé donc le trône et puis il s'est établi dessus. Donc et dans une autre version et donc et puis donc il était sur le trône et s'est donc élevé sur son trône. Il s'est élevé sur son trône. Wa hadha al-hadith hasan. Hasanahu Tirmidhi wa ghayruhu. Donc on peut le retrouver dans Sahih Tirmidhi et Abu Daoud. Kazaik. Donc, Tirmidhi et Abu Daoud. Non. Donc, il tape TC, tu le retrouves. Bab Suat Houd. Tu peux retrouver donc dans Sahara Jaou Tirmidhi, Fisunati, Kitab TC, Bab Suat Houd. Kazaïka. Donc, ici aussi, donc, même chose. Donc aussi, donc, il y a une autre histoire par rapport à Al-Jahiliya, donc il demande, et ça revient à la même chose là, il y a d'autres histoires, mais que ce n'est pas la même personne, qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Al-Jahiliya, c'est des autres compagnons, et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la même question, toujours. Donc c'est pour ça que je dépasse, du fait que c'est les mêmes histoires. Wa kadhalika qala Abu Huraira, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, annahu qala, yata'aqabuna fikum mala'ikata bil-layl wa mala'ika bin-nahar, wa yajtami'una fi salat al-'asr. والفجر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. Donc les anges de nuit et les anges de jour donc se succèdent en venant vers vous, c'est-à-dire en venant vers les serviteurs, et ils se rassemblent au moment des deux prières, salat al-fajr, l'asr, et la salat du fajr. Hein, salat du Asa et la salat du Fajr. Puis, il remonte vers lui, vers qui? Vers Allah Azza wa Jal, donc ceux qui étaient restés avec nous. Aladina batu fikum. Ils sont restés un certain temps avec nous, jusqu'à ce qu'ils montent. Le malaïka. Et Allah Azza wa Jal, il leur pose la question. Il sait mieux que eux. comment avez-vous laissé mon serviteur? Et ils disent, mes serviteurs. Donc mon serviteur. Ils disent donc, on est venu vers eux, ils priaient, et on les a laissés, ils priaient. On sait bien que le Salat al-Arsh, le Subhak al-Fajr, il y a un Meshhoud bil Malaika. Justement, il y a beaucoup d'anges qui viennent en vérité donc, dans ce genre de moment, d'occasion. Et Sahih qui est Sahih, Muttafakun al-Sihati. Akhrajahu al-Bukhari, wa Muslim, Tazaik. Donc l'imam al-Bukhari, c'est Kitab Mawaqit al-Salat. Bab Fadl al-Salat al-Asr. Et Akhrajahu Muslim, Kitab al-Masajid. Donc vous voyez, Ya'ruju. Donc il y a aussi justement donc, cette élévation. Et dans un autre hadith, Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Irhamu min fil ardi, yarhamukum min fil sama. Faites miséricorde aux gens, à ceux qui sont sur la terre, hein, donc ce soit les gens, les animaux, même si on va dire même la nature, et vous fera miséricorde celui qui est dans les cieux. Allah subhanahu wa ta'ala, est rapporté par Tirmidhi, il est authentique. كذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي في حديث الاستسقاء الاستسقاء يعني في صلاة الجمعة lorsque il y a eu donc lorsque l'arabe a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم de faire tomber la pluie de يعني faire dua pour que l'arabe fasse tomber la pluie donc il dit ويحك أتدري ما الله donc ويحك donc c'est une sorte de réprimande qui sais-tu qui est Allah إن شأنه أعظم من أن يستشفع به على أحد إِنَّهُ لَفَوْقِ الْعَرْشِهِ عَلَى السَّمَوَاتِهِ. Donc il dit en vérité, donc Allah est bien au-dessus hein, que le fait en vérité de يُسْتَشْفَعْ بِهِ, comme quoi en vérité, donc tu demandes, hein, des fois par des autres, le mieux, donc par la أَحَد, de demander à autre qu'Allah Azza wa Jalla. Le fait en vérité d'intercéder, hein, à demander à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, certes Allah il est au-dessus de son trône, donc il est sur son trône, élevé sur son trône, donc sur ses cieux, au-dessus de ses cieux, pour montrer qu'Allah, donc, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est un hadith rapporté par Abu Daoud, et aussi on le retrouve dans Urud al-Jahmiya, et le sanad il est Hassan. Quand c'est les hadiths que je passe, justement, c'est parce que des fois on retrouve donc, la même chose, quoi. Souvent des hadiths qui sont les Jahmiya, parce qu'ici, on a justement donc, toutes les versions possibles. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم عرفات ألا هل بلغت donc à عرفات النبي صلى الله عليه وسلم qui a monté dans la khutba qui a fait donc en plus devant tout le monde hein, parce qu'il y avait pratiquement tous les compagnons, presque personne n'était manquant dans Hajjat al-Wada, il y avait pratiquement tout le monde là, donc c'est le plus grand mashhad qui a existé, c'est-à-dire c'est le plus grand rassemblement qui a existé, justement c'était donc le jour par rapport au prophète et ses compagnons. Il n'y a pas eu rassemblement plus important que celui-ci. Et il était là, donc il a dit, n'est-ce pas que j'ai donc annoncé, c'est là que j'ai propagé la da'wa, Bellert, Fakalu Naam, Fajala Yafaw Yani Uzbaw ila Sama, Yan Kubuha ilayhim yaqul Allahumma ashhad, Allahumma ashhad. Donc il lève son doigt vers les cieux et il montre aussi donc da'wa et il dit Allahumma ashhad. Donc oh Allah, sois témoin, parce qu'Allah il est dans les cieux. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن زينب بنت جحش سكي زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجنيك يا الرحمن من فوق عرشه hein? Donc ton ou bien زوجنيك plutôt زوجنيك يا الرحمن من فوق عرشه النبي صلى الله عليه وسلم dit ça à زينب donc il a dit le miséricordieux m'a marié avec toi de au-dessus des cieux. Zawajniki, Rahman, Minfoki, يعني العرش دو تسو دو سيسيو دو تسو عفوان دو سون ترون او بي دازان اتر دان لا فيرسون ديال البخاري ان الله انكحني من فوق سبع سماوات الله دونك ما ماري دو او تسو دي سيت سيو او تسو دو سيت سيو كذلك قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حديث ابي سعد الخدري دونك يدي الا تأمنوني وأنا أمين في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء متفق عليه. Donc hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim, le prophète s'est dit n'est-ce pas que vous allez donc justement donc me considérer comme respectueux du dépôt ou quelqu'un de confiance parce que je suis justement donc la personne de confiance qui a hein, de ce culi de ce de qui donc je suis la personne de confiance par rapport à celui qui est dans les cieux. Le khabar, donc les annonces, c'est-à-dire le Coran, bien sûr, me vient, le Coran, la Sunna, après, me vient donc le matin et le soir. Des cieux, le matin et le soir. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. Donc par rapport à l'homme et son épouse, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam jure. C'est un hadith qui est rapporté par les mêmes muslims. Il dit par celui qui détient mon âme entre ses mains, chaque homme qui appelle son épouse donc à l'accouplement et qu'elle refuse, donc il y aura donc celui qui sera dans les cieux, donc celui qui est dans les cieux sera donc en colère contre elle jusqu'à ce qu'il agrée d'elle. Hein, donc Allah il sera en colère d'elle jusqu'à ce qu'en vérité le mari accepte d'elle, qu'il agrée d'elle. Donc s'il lui pardonne la khédi. Donc si par exemple le mari est touché, elle automatiquement elle va recevoir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'elle a refusé. Et ça justement, donc c'est interdit. Donc, bien sûr, il y a énormément de délits hein, par rapport à ça sur la Sunna. Kazalika, donc Sa'd ibn Abi Waqas, radhiyallahu anhu, donc Anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yani li Sa'd, yani ibn Mu'adh, laqad hakamta fihim, yani bani Qurayza, bi hukm al-Malik, min fawqi sab'i samawat. Lorsque bani Qurayza, ils ont voulu que, justement, un Sa'd juge pour eux, ibn Mu'adh, parce que c'était le. Il s'entendait bien avec lui. Il pensait que son jugement il serait plus léger que tout le monde. Il aurait choisi lui comme juge. Mais lorsqu'il a jugé donc, justement du châtiment qu'il méritait, donc Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit verset, certes tu as jugé avec justement donc, le jugement du Seigneur, hein, donc du maître, du roi, qui est au-dessus des sept cieux, qui est au-dessus des sept cieux. Donc Adila min as-sunnah matantahi. Donc comme matantahi. نذهب الى الادله hein, من الصحابه donc déjà ici je passe 80 pages hein, par rapport à Adila min as-sunnah d'accord donc on va commencer bien sûr par Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu donc قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم من كان يعبد محمدا فانه قد مات ومن كان يعبد الذي في السماء فإنه حي لا يموت. Donc أخرجه الدارمي بإسناد صحيح والبخاري في تاريخه من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. Donc regarde Abu Bakr Siddiq, il dit lorsqu'il est mort le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc les gens ils ont été perdus parmi les musulmans. On connaît la position de Omar ibn Khattab et d'autres. Donc lui plus posé, hein, donc il les a justement rappelés. Justement hein, ce qui est bien donc il les a rappelés en leur disant certes celui qui adorait Mohammed sachez que Mohammed est mort et celui qui adore donc celui qui adore celui qui est dans les cieux hein, celui qui est donc fils de Sam au-dessus des cieux sachez qu'il est vivant et qu'il ne meurt pas Allah. Donc ils ont bien compris par rapport à cela donc il avait utilisé donc fils de Sam كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني donc Abdurrahman Ibn Rahman donc le Abdurrahman ibn Ghun, ici c'est donc Abdurrahman ibn Ghun, l'Ash'ari, Mukhtalaf fi Suhbati, Dhakrahu, l'Ajdi fi Kibar al-Thiqat al-Tabi'in. Donc on ne sait pas si c'est un tabi'i ou bien si c'est un compagnon. Il dit, Sami'tu Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Yaqul, Wayul yani Diyan, Manfis fil Ar, Wa Diyan, Manfis Sama, Yoma yalqawunahu illa man amara bil adl, Wa qada bil haqq, Wa lam yaqdi ala hawa, Wa la ala qaraba, Wa la ala gharb, Raghb, Wa la ala rahab, Wa ja'ala kitab Allah yani mir'atan bayna aynayhi. Donc il parle bien sûr ici, donc en vérité de ceux qui jugent, hein, de ceux qui sont en vérité, donc il prévient malheur à ceux qui doivent, ceux qui ont des autorités, d'accord, ceux qui ont des fois des autorités, que ce soit dans le Belédia ou quoi que ce soit. Donc il dit attention justement à ça, par rapport à ce qu'il y a sur la terre et par rapport à ce qu'il y a aussi, et attention à ça lorsque vont se retrouver dans les cieux, lorsque vont rencontrer Allah Azza wa Jal, sauf pour celui qui a ordonné la justice, qui a jugé avec vérité et qui ne juge pas par la passion. Et ni, en vérité, ne juge pas parce que, pour donner raison à quelqu'un qui est la famille. Ou bien parce qu'il espère avoir un gain, ou bien parce qu'il a peur. Mais qui a mis le livre d'Allah Azza wa Jal, donc comme miroir en face de ses yeux. Celui qui juge en vérité avec justice avec le Coran et la Sunna. Donc il dit ça. Il a bien dit par rapport à ça. Et c'est toujours ici, on a encore des paroles de Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Donc il dit, Amir al-Mu'minin. Donc ici, Rajul, ok. Qala Rajul, il dit Amir al-Mu'minin. Habistu al-Nas, ou Habistu al-Nas ala hadi al-Ajouz. Qala Waylaka, atadri mahiya, hadi imra'atun sami'a Allah li shakwaha min fawqi سبع السماوات وهي وهذه خولة التي أنزل الله له فيها قد سمع الله قول النبي عفوا قول التي تجادلك في زوجها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. Donc ici, ils ont posé, parce que ici le Omar ibn al-Khattab, demandent aux gens de s'arrêter pour qu'elle passe, d'accord. Donc il y a un homme qui dit ça, il dit, donc tu vas arrêter les gens pour cette personne âgée. Donc il a dit, malheur à toi, tu ne sais pas qui elle est. C'est celle-là la femme dont Allah a entendu sa plainte, d'au-dessus des sept cieux. Et après, le verset, Khaoula, elle s'appelle. Et c'est dans elle dont Allah a descendu le verset. Certes, Allah entend la parole de celle qui parle avec toi, par rapport à son mari. Donc elle est en train de parler avec le prophète, donc Hatta Aisha l'a dit, donc elle a justement dit gloire à Allah, celui qui entend tout. Parce qu'elle était dans le coin de la pièce et pourtant elle n'a pas tout entendu. Elle a entendu que des brides. Et elle s'est dit, moi je suis à côté, j'entends pas, et Allah Zalou, il a tout entendu. Mais alors qu'il parlait justement, il ne parlait pas fort. Othman ibn Affan radiallahu anhu. Donc ici, donc Rafa Rasahu il a Sakf al-Masjid Faqal Allahumma Ashhad. Donc ils n'expliquent pas pourquoi ici. Donc Afwan, il y a justement l'explication plutôt. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, annahu lamma akhadha al-bay'a li Uthman radhiyallahu anhu wa bay'ahu an-nas rafa'a ras'ahu fi saqf in al-masjid wa qala Allahumma ashhad. Lorsqu'ils ont fait le bay'a à Uthman radhiyallahu anhu. Donc Abdurrahman ibn Auf raconte que lorsque ils ont fait le bay'a à Uthman, donc le pacte d'allégeance, il a levé sa tête vers le toit de la mosquée, le haut du masjid, et il a dit, ô mon Seigneur, atteste. Kedaïka Abdullah ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu. Donc ici. Abdullah ibn Mas'ud dit bien, ma bayna as-sama al-quswa wal-kursi khamsamiyat am. Wa bayna al-kursi wal-ma kedaïk wal-arsh fawqa al-ma. Wallah fawqa al-arsh. Wa la yakhfa alayhi shay' min a'malikum. Parce que Bad, il faut savoir que Bad, au-dessus des sept cieux, il y a de l'eau. Il y a encore de l'eau, il y a encore une massafa, et au-dessus des sept cieux, il y a de l'eau, et après l'eau, il y a justement tout cela. Parce que tout à l'heure, j'ai passé un hadith dessus. Mais il y a de l'eau au-dessus. Et après l'eau, il y a quoi ? Il y a le Kursi. Hein, déjà, on sait. Et après, on sait très bien que en dessous du Arche, il y a quoi ? Il y a le Ferdos. Et le Ferdos, c'est de l'eau. Il y a quoi? Il y a l'Aliyin, donc qui fait le Ferdos, l'Aliyin. Et justement, c'est quoi? Et on sait que tout ça, donc, il y a le Ferdos, l'Aliyin. Et c'est l'eau qui va couler dans tout le paradis. C'est de là démarre. De là vient en vérité donc l'eau de l'Aliyin pour aller dans tout le paradis. Et c'est tout. Donc il y a l'eau qui est en dessous du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, Abdallah ibn Mas'ud, donc le hadith, il est sahih. Le affar, il est sahih. Il est rapporté par l'Al-Akai ou l'Bayhaqi, Ahmadullah Alim. Entre donc, le ciel le plus bas et le Kursi, ou plutôt le Kursi, donc si on ceux qui ont été plus loin le Kursi, il y a 5 siècles donc, de distance. Et entre le Kursi et l'eau, encore une fois 5 siècles. Et entre l'Arche, et l'Arche, il est au-dessus de l'eau. L'Arche, il est au-dessus de l'eau. Et Allah, il est au-dessus de l'Arche. Voilà, yarfa alayhi shay min a'malikum. Donc, et rien de nos actes ne lui sont cachés. Il est au courant de toutes choses. Il est au courant de toutes choses. Ça, c'est la parole d'Abdallah ibn Mas'ud. Toujours Abdallah ibn Mas'ud, il dit Man qala subhanallah wa alhamdulillah wa Allahu akbar, talaqahunna malik fa'araja bihinna ila sama, ila Allah azza wa jal. Fala yamurru bimala'in min al-mala'ika illa istaghfiru liqa'ilihinna hatta yaji yani bihinna wajh ar-rahman. Encore une fois, donc, Akhrajahu al-Assal, wa isnaduhu kulluhum thiqat. Donc la même chose, Abdallah ibn Mas'ud rapporte que celui qui dit Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, donc un ange prend ces paroles-là, monte avec, donc jusqu'à Allah Azza wa Jal, et chaque fois que ces paroles-là passent à côté des anges, les anges demandent pardon, imaginez-vous la multitude d'anges qui existent, pour celui qui les a dit. Il demande pardon pour celui qui les a prononcés jusqu'à ce qu'elle arrive donc auprès du visage du miséricordieux. Jusqu'auprès du visage du miséricordieux. Voyez. Donc c'est une preuve toujours que ça va vers le haut. Donc il dit, Qala, toujours de Qabdan al-Masoud, il dit, Inna al-Abda la yahummu bil-amni min al-tijara wal-imara, hatta ida tayassara lahu, nadhara Allahu ilayhi min fawqi sab'i samawat, fayaqul al-malaika, isrifuhu anhu, fa innahu in yassaratuhu yani lahu adkharahu al-nar. Ça c'est une rahmat d'Allah Azza wa Jalla justement pour son serviteur. Parce que des fois le serviteur, il a envie d'être riche, il a envie de prendre certaines responsabilités. Hein? Et lorsque cela lui est peut-être facile, donc Allah Azzel le regarde d'au-dessus des cieux, et il dit aux anges, donc, enlevez-lui cela. Hein? Donc éloignez-nous, arrêtez, détournez-nous justement de ces biens-là, de ces choses-là. Car si il les prend, justement, donc ça, il peut entrer en enfer pour cela. Donc des fois, Allah Azzel, il peut enlever quelque chose qu'il considère, qui va être considéré pour toi pour un bien, mais en réalité, c'est quoi? C'est un grand mal. Donc, il y a pas des fois, on croit que c'est un mal de pas se retrouver peut-être à réussir certains buts. Non. Donc, toujours le sanad, il est sahih. Et toujours dans la même chose, il dit donc, Inna Allah yablouzou li ahli jannatihi fi kulli jumu'a fi kathib amin kafur abiyad fayahdouthu lahum من الكرامة ما لم يروا مثله ويكون في الدون منه non, donc il dit فيكون في الدون منه. Donc ici toujours comme quoi que donc le certain Allah Azzel, donc il va permettre en vérité aux gens du paradis d'après de le voir tous les vendredis. Et donc justement après يحدث لهم يعني من الكرامة يحدث العفوان يحدث لهم من الكرامة et il va leur donner donc des choses que n'ont jamais vu autant de choses hein, comme cela. Et ils vont se rapprocher de Dieu parce qu'ils vont monter donc, parce que lorsque au paradis, alors il est au-dessus, donc son trône il est au-dessus du Ferdos, parce que le Ferdos ça se termine en coupole. Hein, ça c'est comme en coupole. Et le trône il est juste au-dessus. Donc ici Abdallah ibn Amr, ibn al-As, radiallahu anhu. Donc ici aussi. Donc il dit Ida makathat an nutfa fi rahm al-mar'a 40 layla. جاءها ملك ثم عرج بها إلى الرحمن عز وجل فيقول يعني أخلق يا أحسن الخالقين فيقدر الله عز وجل فيها ما يشاء فيقطع رزقه و يعني خلقه فيعبد الملك بها جميعا وبهما جميعا. Donc lorsque la noutfa qui reste dans le rahim de la femme 40 jours, 40 nuits, donc la noutfa qui reste, l'ange vient. Hein, et donc après il vient donc à ce moment-là et il remonte vers le miséricorde du corps du Allah Azza wa Jalla. Donc il remonte vers Allah Azza wa Jalla et il dit crée au meilleur des créateurs. Donc Allah Azza wa Jalla décide de ce qu'il veut. Donc il donne son risque, sa subsistance et aussi donc sa création, comment il sort, tout ce qu'il y aura dans la création. Et l'ange descend avec tout cela. Et l'ange après redescend avec tout cela. Ici on a eu donc le fait qu'il monte et le fait qu'il descend. Donc où il est Allah Azza wa Jalla par rapport à ça, il est clair, donc c'est clair qu'il est dans les cieux. Abu Huraira aussi rapporte. يحشر الناس حفاة عراة مشاة قياما 40 سنة يعني شاخصة أبصارهم إلى السماء ينظرون فصل القضاء وقد ألجمهم العرق من شدة الكرب ينزل الله عز وجل في ظلال من الغمام من العرش إلى الكرسي. Donc toujours ici, donc c'est le sein qui est rapporté par l'imam Zahabi. Et Ibn Kathir aussi le rapport dans le Nihaya, dans le Bidaya ou le Nihaya. Donc ici, donc Abu Hurayra donc rapporte, il dit que les gens, ils vont être donc ressuscités, bien sûr, donc pieds nus, nus. Donc bien sûr, donc ils vont marcher, ils vont se lever, et donc ils vont 40 ans, il dit. Donc Qiyam Arba'in Sana. Ils vont regarder comme ça, les yeux ils vont partir. Donc les yeux en vérité vont partir mais furtivement un peu comme ça parce qu'ils ont peur de regarder aussi facilement comme ça. Qu'est-ce qui se permet de regarder comme ça? C'est celui qui n'a rien à se reprocher. Mais les gens auront tellement de choses à se reprocher, tout le monde, que les gens ils vont regarder en vérité avec un œil voleur un peu furtif comme ça. Mais qui va quand même se détourner donc vers les cieux. Ils vont regarder en vérité, c'est le jugement comment il va se faire. Parce que le jugement il sera fait donc là. Et bien sûr, donc on sait que la sueur. Elle va, donc ils vont tellement suer, tellement dans l'été, ils auront peur. C'est pas juste parce que le soleil se rapproche, mais ça c'est en plus, parce qu'à un moment donné, le soleil va partir. Mais rien que cette peur déjà de la ramène déjà dans l'arc, avant qu'ils boivent bien sûr du haoud, et Allah Azza descend. Donc justement, descend avec, par rapport à ces ombres, il y aura donc des ombres du hache vers le coursi. Donc du hache vers le coursi. Donc on comprend qu'il y aura toujours aussi cette. Parce que ça se passe sur la terre, tout il se passe ici, vraiment c'est sur la terre, mais simplement la terre va être aplanie. C'est tout simplement, ça sera une nouvelle terre, mais ça sera ici. C'est pas la terre qui va disparaître, c'est quelque chose d'autre qui vient, ou bien c'est nous qu'on va monter. Ça se passe ici, mais directement, donc c'est pour ça que c'est Allah qui va descendre. Et Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, donc il dit Fakkiru fi kulli shay, wa la tufakkiru fi dhatillah. فإن بين السماوات إلا كرسيه سبعة ألف نور وهو فوق ذلك سبحانه وتعالى. Il dit réfléchissez sur tout ce que vous voulez, mais ne réfléchissez pas sur comment il est Allah, fi dhatillah. Donc sur justement donc comment est Allah subhanahu wa ta'ala. Ne laissez pas dire ben tiens je vais essayer de méditer comment Allah descend, comment est la main d'Allah, comment est le pied d'Allah, comment est l'œil d'Allah, la vue d'Allah. Tu pourras jamais savoir ça. Donc c'est pas la peine de pense pas à ça parce que tu ne peux pas. Allah Azza wa Jalla nous a pas permis de savoir. Donc c'est pas la peine d'essayer de t'imaginer, t'arriveras pas. Tu peux faire ce que tu veux, t'arriveras pas. C'est impossible. Il ne crois pas arriver à un résultat, ça fait partie justement du bon dogme de dès le départ se dire je peux pas arriver à ça. Comme déjà tu peux même pas déjà moins que ça, tu peux même pas savoir comment il est ton roh, ton âme, et tu ne peux pas savoir aussi comment il est le jannah. Wa ma khatar yani ala qalbi al-bashar. Même nul cœur ne peut s'imaginer. Ça, c'est pour le Jannah. Allah a préparé au paradis ce que même nul cœur ne peut imaginer. Pourquoi? Parce que tout est différent. Dans quel sens? Dans tous les sens. Quand je parle des sens, donc les sens qu'on connaît. Ni l'ouïe, ni la vue. Donc, l'ouïe, ni la vue, ni le goûter, ni le toucher, quoi que ce soit. Ni le parler, ni tout. Tout il sera différent. Donc, ce n'est même pas la peine d'essayer de t'imaginer. Ça ne sert à rien. Ça, on va arriver à justement un égarement plutôt qu'arriver à ce qui est demandé. Donc il dit bien, donc parce que ce qui est entre les cieux et son et, sa, et donc le coursi, donc le piédestal, il y a donc 7000 lumières. Et lui, il est au-dessus de cela, subhanahu wa ta'ala. Et le sanad ibn Hassan, rapporté donc par le même al-Bayhaqi, rahmallah. Et aussi, donc le Sheikh al-Asbahani, rahmallah. Kedhalika. Donc toujours donc Ibn Abbas, donc il y a beaucoup de tafsir de lui, donc il y a beaucoup de tafsir de lui qu'on a vu déjà auparavant, comme par rapport à Stawa et à l'Arche, parce que le fait que c'est un mot facile, donc on retrouve beaucoup de paroles de lui. Donc ici Ibn Omar ba'atha ila Ibn Abbas yas'alu hal yani ra'a Muhammad rabbahu fa ba'atha ilayhi an na'am fa arsala ilayhi Ibn Omar kayfa ra'ahu qala ra'ahu ala kursi min dhahab tahmiluhu arba'ata min al mala'ika. Le hadith est rapporté par Ibn Abi Shayba fil Arsh. Donc, et d'autres, énormément de, d'autres personnes aussi par rapport à cela. Donc, justement, moi je voulais juste savoir plus par rapport hein, à Oussaïd. Donc, on a l'archot et Abi Daoud, on a Nasaï, on a l'Irim. Là, c'est plus par rapport au Sened pour être sûr de cela, parce qu'il n'a pas noté directement le Sened. Donc, Ibn Battah, il le rapporte dans l'Ibana Kazalik. Donc, Ibn Battah aussi le rapporte dans l'Ibana. Donc, il dit ici, donc Ibn Omar demande à Ibn Abbas, est-ce que Mohammed a vu son Seigneur sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, non. Donc, il lui dit, comment il l'a vu? Donc Ibn Abbas dit il l'a vu donc sur donc bien sûr donc le piédestal d'or et quatre anges portent ce piédestal à côté du coursier. Quatre anges portent donc ce piédestal et on sait qu'un Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fait le mirage lorsqu'il est monté hein, par rapport à la qissa de quoi donc la qissa de la salat. Donc Ibn Abbas alhamdoulilah il y a plusieurs paroles par rapport à lui. Et Salama, radiallahu anha, aussi Salama. Donc elle dit, c'est la femme du prophète, donc elle dit, Anha qalat istawa, el istiwa ghayru majhul, wal kayf yani ghayru ma'qul, wal iqraru bihi iman wajib, wal juhudu bihi kufrun. Donc on voit quoi? On voit que la parole, elle ne s'arrête pas à l'imam Malik, même si c'est la plus connue. Que c'est pas, l'imam Malik, quand il a dit, c'était pas sûr qu'il l'avait dit. Donc on a Nafi' l'avait déjà dit avant lui. Il y avait déjà Nafar qui avait déjà dit avant l'imam Malik, donc Rahmatullah Alim, cette parole-là par rapport à l'istiwa. La majal rajulun ila l'imam Malik. Wa qal al rahman al arash istawa. Kayfa istawa? Fa wa ajab bi jawab hakada. Comme que l'istiwa yani ma'rouf, ou ma'loum, ou ghir ma'koum, ou ghir majhoul, et l'akhiri. Wa kayf majhoul, ou ghir ma'koum, wa su'alu bi yani l'iman bihi wajib, wa su'alu anhu bid'a. Wa khrujuh fa amara bi ikhrajihi min al masjid. حتى هو من المشوشين الذين يشوشون على الناس في الله عز وجل فأخرج من المسجد انظروا الى هنا الشدة نعم في الله عز وجل شخص لا يتكلم هذا هو parce que c'est qu'on n'a pas le droit de parler et mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam qui a sorti la personne de la mosquée c'est pas pour jouer mais laisse à bilaib. Et là on a qui? On a des gens avant l'imam Malik, comme on l'a dit, l'imam Malik c'est pas lui qui l'avait déjà dit et on a déjà حتى ربيعة الرأي il l'a dit aussi, donc c'est aussi un shirk de l'imam Malik. Donc ici elle a dit la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc elle est istiwa ghayru majhul. Elle est istiwa, il n'est pas inconnu. Maktoub fil kitab ou fil sunnat rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wal kayf ghayru ma'qul. Le kayf, c'est-à-dire que nous, notre raisonnement, il ne peut pas arriver à comprendre le comment. Le kayf, le comment, il est quoi? Il n'est pas raisonné. On ne peut pas, donc, ta raison qui est restreinte aux choses de la vie d'ici-bas, à ce que tu vois, à ce que ceci. Wal iqraru bihi iman. Donc de croire en ça, c'est avoir la foi. Tu es obligé de dire qu'Allah est fils Adam et l'Iman. On a vu le délit avec le Jariya. Délibère-la parce qu'elle est justement elle est croyante. Et ça, donc ça en plus, c'est une obligation. C'est pas je fais ce que je veux. Si je veux, je crois pas à ça. Là, il y a un tatrouf de kufr. Parce qu'il dit wal juhudu bihi kufrun. Fa yaqul zawjatin nabi sallallahu alayhi wa sallam. c'est la parole de la femme du prophète. Elle l'a pris qui? Automatiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous comprenez? Renier cela, repousser cela, c'est quoi? C'est donc de la mécréance. Et l'isnad, il est donc le sahih. Rawahu ibn Mandah fi kitab al-iman. كذلك انس بن مالك رضي الله عنه même chose. On a connu toujours avec les compagnons du prophète. Donc ils étaient partis vis donc قال ابو بكر لعمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بنا الى ام ايمن. Donc ils sont partis visiter donc Ayman, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a visité beaucoup. Donc Zaruha, ils l'ont visité. Kama kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yazuruha. Falamma intahiya ilayha baket. Lorsqu'ils sont arrivés chez elle, elle a commencé à pleurer. Faqumna ma yubkik ma inda Allah ni khayrun li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort, mais c'est qu'un grand khayr pour lui. Faqalat sadaqtuma. Comme quoi, en vérité, donc, vous avez dit vrai. Elle pleure parce que la révélation, elle ne descend plus. Parce que c'est que du reste, c'est que l'augmentation de la foi de recevoir, en vérité, tout le temps la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Après, tous les deux, ils ont commencé aussi à pleurer comme parce qu'ils ont. C'est vrai, parce que le khair qui était. Il suffit de se souvenir, surtout d'être parmi les compagnons, de se souvenir comment le corps est descendu, pour en vérité être fortement touché. Parce qu'il est descendu sur eux. Donc il y a encore d'autres paroles hein, de lui-même, donc de Anas, radhiyallahu anhu, toujours. Donc ici, Anas, donc il dit aussi. Non, ça c'est la fin du reste. C'est pas. Non, parce que c'est lui après qui explique, là, il dit. Donc il dit فلو كان الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء او القهر ونحو ذلك على يعني ما حرفته الجهميه والمعتزله لكن الله تعالى غير مستوي يعني مستوي على العرش ولا قاهر له قبل خلق السماوات والارض تعالى عن ذلك علوا كبيرا. C'est vrai qu'il avait pris de force. Il a pris de force à qui? Comment se fait qu'on ait rien de tout ça? Qu'il y a rien de tout ça? Alors il n'a pas dit tout ça. Il y a rien de tout ça. Donc on voit que après là, c'est bien sûr pas possible. Et là, on approche à quoi le tabi'in. Donc, les enfants et les élèves des compagnons du prophète, de Donoua Ali, wa rahimahum Allah jami'a. Donc, Ka'b al-Ahbar. Donc, ici, Ka'b al-Ahbar. Donc, c'est qui? Donc, Aslama fi khilafat Siddiq radhiyallahu anhu. Donc, il rentre dans l'islam à l'époque de Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wa mata fi khilafat Uthman radhiyallahu anhu. Il avait plus de 100 ans à sa mort. Donc on comprend déjà que lui fait partie des Kibar Tabi'in, parce que c'est à l'époque de Yaron Tradiassam, à l'époque de qui? De Abu Bakr. Abu Bakr, il était combien d'années? 2 ans et quelques, ça? À peu près 2 ans, donc Khalifa. Donc c'est pas beaucoup après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour montrer que dans les Tabi'in, il y a presque un siècle de différence, c'est-à-dire entre le premier et le dernier, dans le sens où il y a eu des gens qui ont vécu longtemps. Les compagnons, qui sont venus, qui sont morts très tard. Et celui qui l'a vu, c'est un tabi'in, même si donc mais c'est un jeune tabi'in. C'est donc il y a plusieurs générations. Mais lui, il fait partie de la grande génération, donc la génération la plus importante. Donc ici, Allah Azza wa Jalla, donc il dit, donc ici, Ka'b al-Ahbar, il dit, قال الله في التوراة إني أنا الله فوق عبادي وعرشي فوق خلقي وأنا على العرش عرشي ودبر أمر عبادي ولا يخفى علي شيء في الأرض في السماء ولا في الأرض. Donc il dit ça, Ka'b al-Ahbar. Donc c'est ressorti par Abu al-Sheikh al-Azama et Ibn Battah. Il y a énormément donc de même Ibn Qayyim rahimahullah, donc de personnes qui ont rappelé cette parole là. Énormément de savants. Allah a dit dans la Torah, serge sur Allah, au-dessus de mes serviteurs, et mon trône est au-dessus de ma création, et moi je suis au-dessus de mon trône, et je décide, donc je gère toutes les affaires de mes serviteurs, et rien ne m'est caché, rien en vérité ne m'est dissimulé, que ce soit dans les cieux ou dans la terre. Donc c'est exactement une parole à Kulhal qui est conforme 100% à Kulhal à ce que l'islam connaît, ce que l'islam dit. Donc le sanad il est sahih. Le Hassan al-Basri, rahmatullah alayhi, que zalika. Hassan al-Basri, donc il faut aussi partir des grands tabi'in. D'accord ? Donc lui dit qara sam'a Yunus alayhi salam, yani tasbih al-hasa wal-hitan. Yunus il a entendu donc le tasbih, la glorification donc des cailloux hein, et des poissons. Faja'ala yusabbih. Et quand il a entendu ça, il a commencé à lui aussi à faire le tasbih. Wa kana yaqul fi du'a'ihi Sayyidi fi sama. Donc il disait ça. Fi sama. Hein, donc il disait. Donc il dit Sayyidi fi sama maskanuk wa fil ard qudratuk. Dhakra hadith. Hatta huwa sanad bi sanadin sahih. Sanaduhu sahih. Dhakrahu yani Ibn Qudama fi sifat al-ulu. Donc ici Hassan al-Basri il dit que Yunus alayhi salatu wasalam lorsqu'il a entendu le tasbih donc des pierres et des poissons, il a commencé aussi à faire du'a. Il a dit donc mon Seigneur, mon Maître, qui est dans la demeure et dans les cieux, et dont la puissance est sur la terre. Il a dit la demeure, elle est dans les cieux, et la capacité, la puissance, elle est où? Donc elle est donc sur la terre. وَكَذَلِكَ قَالِنْ لَيْسَ شَيْءٍ عِنْدَ رَبِّكَ أَقْرَبْ إِلَيْهِ مِنْ إِسْرَافِيلٍ وَبَيْنَهُ وَبَنَا يَنِي سَبَعْ حِجَاجٍ كُلُّ حِجَابٍ سَبَعْ يَنِي عَفْوَنَا حِجَابٍ كُلُّ حِجَابٍ يَنِي 500 عَامٍ وأودون هؤلاء الحجاب ورجلاه في تخم فرع ورأسه من تحت العرش. Donc c'est comme ça qu'il dit. Voilà, ça dit encore une fois sahih par rapport à Hassan al-Basri. Donc il montre qu'il n'y a rien qui est au plus proche d'Allah Azzawajal que Israfil. Israfil, celui qui prie à attendre, hein, qui attend pour souffler sur la tombe. Et entre lui et tout, il y a donc 7 hijab. Donc il y a 7 hijab. Donc on va dire donc. Cette chose qui cache un voile, cette voile. Et entre chaque voile, il y a déjà 5 siècles. Et entre 5 siècles. Non. Et donc il dit aussi donc où sont donc les pieds d'Allah Azza wa Jal et où est sa tête par rapport pour montrer la grandeur d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. On revient encore une fois à Ka'b al-Ahbar toujours. Donc pour dire que le Stawa ilayhi par rapport à Ka'b. Masruk. Hein? Masruk ibn Ajda. Donc lui, Masruk, donc ils ont déjà fait cette. Donc lui ici il dit أنه كان إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال يعني حدثتني صديقة بنت صديق حبيبة حبيب الله المبارة من فوق السبع السماوات. Donc lorsque Masruk rapporte de Aïcha رضي الله عنها, donc on comprend qu'il fait partie toujours donc des compagnons, donc des tabi'in qu'ils ont vus, donc lui il est mort en l'an 62 de l'Hégire. Donc il dit que Aïcha, quand il dit que Aïcha donc m'a rapporté, il dit comme quoi, m'a rapporté la véridique fille du véridique. Donc l'aimée de celui qui aimait d'Allah Azza wa Jal et celle qui a été innocentée de au-dessus des 7 cieux. Celle qui a été innocentée de, au-dessus des 7 cieux. C'est l'heure. Assalamu alaikum. Subhanak Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.